إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui inshallah, ou bien qu'est-ce qu'on va faire maintenant bi'ithnillah, c'est d'expliquer quelques points qui ont rapport avec le manhaj de la da'wa, le manhaj de la da'wa. Et qu'est-ce qui est relié au fait de s'accrocher au Coran et à la Sunna dans les principes, dans les questions de la da'wa. C'est la suite en fait d'une muhadara du Cheikh Saleh al-Sheikh. Et j'avais fait les trois premiers cours à propos de ce sujet-là, al-i'tisam bil-kitab wa sunna, le fait de se cramponner au Coran et à la Sunna. Et je m'étais arrêté à ce point-là, c'est l'explication du manhaj dans la da'wa en ce qui concerne yani, le fait de s'accrocher au Coran et à la Sunna dans les questions de la da'wa. Et le Cheikh il traite maintenant de trois points, trois questions qui sont reliées à la façon dont on doit appliquer ce manhaj hein, et le fait de se cramponner au Coran et à la Sunna dans la question de la da'wa. Et la question de la da'wa, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est quelque chose qui est fondamental et en particulier pour nous, puisqu'on vit dans une société qui n'est pas musulmane. On vit dans une société de kufr. Et donc, une de nos priorités, hein, ça doit être la da'wa, le fait d'inviter les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la da'wa, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de le faire dans le Coran. Et une chose qui est importante aussi à savoir à ce sujet-là, c'est qu'il y a différents niveaux de la da'wa, il y a différents degrés de la da'wa. Okay? Il y a une da'wa que chaque musulman est supposé d'être capable de faire, hein, et des niveaux de da'wa que chaque musulman est capable de faire. C'est-à-dire, par exemple, la da'wa dans le sens d'ordonner aux gens de faire le bien, de leur interdire de faire le mal dans les choses que tout musulman connaît. Hein, par exemple, le fait de leur rappeler de l'obligation de la salat. Hein? Pas besoin d'être un savant pour dire à tes enfants, ou pour dire à ta femme, ou pour qu'une femme dise à son mari, ou à ses enfants, ou à ses proches, que de faire 5 fois la prière par jour, c'est obligatoire. Hein? Donc ça, c'est un exemple de da'wah. La même chose aussi de rappeler, par exemple, ordonner à quelqu'un le bien, interdire à quelque chose de mal à quelqu'un, dans qu'est-ce qui est connu, de qu'est-ce qui est halal et de qu'est-ce qui est haram, sur les choses sur lesquelles il y a ijma, sur les choses sur lesquelles il y a consensus entre les musulmans. Ça, il y a personne qui a besoin d'un diplôme universitaire en charia pour être capable de faire ça. D'accord? Ça, c'est une obligation qui s'applique à chaque musulman. De même que de connaître le tawhid, hein, et de connaître qu'est-ce que ça signifie la ilaha illallah. Ça, c'est quelque chose qui est obligatoire à chaque musulman. Et chacun d'entre nous, on est supposé de le connaître et de le comprendre correctement. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Usul Salata. Et dans ce livre-là, il a dit, ça, c'est quelque chose qui est obligatoire à chaque musulman, homme et femme. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui fait partie de qu'est-ce qui est fard ou kifaya, c'est quelque chose qui fait partie de qu'est-ce qui est fard ou ayn. C'est-à-dire qu'est-ce qui est obligatoire à chaque individu musulman. Et donc, ce n'est pas une science ou une connaissance qui s'adresse uniquement aux savants ou aux tulab ilm, mais c'est une connaissance qui est supposée d'être comprise par chaque individu, chaque musulman. et non seulement les tulab ilm ou bien les savants de l'islam. Et si chaque musulman connaissait comme il faut au moins al-usul al-thalatha dans l'aqida et qu'il faisait sa part de responsabilité qu'il a pour essayer de le transmettre aux autres, c'est-à-dire aux musulmans et aux non-musulmans, eh bien c'est certain que la situation serait bien meilleure que qu'est-ce qu'elle est actuellement. Et il y a un grand manque dans qu'est-ce qui a rapport avec la da'wa en France et ailleurs aussi au Canada, c'est la même chose. Parce que les gens gardent le message pour eux-mêmes et ils apprennent pour eux-mêmes. Et moi je peux vous dire qu'est-ce qui est arrivé par exemple par rapport au Québec ou à Montréal. Pendant des années, il y a des gens qui ont été, ils suivent la da'wa salafia et ils apprennent avec les cours des ulama et ainsi de suite, mais ils en parlent à personne. Ça devient comme une sorte de club privé, un petit groupe, et tout le monde se parle de la salafia entre eux, parmi ceux qu'ils connaissent, mais ils le font pas connaître aux autres qui sont en dehors de leur cercle d'amis ou de leur fréquentation. Ils essaient pas de faire des efforts pour la faire connaître, cette da'wa. Donc ça, c'est quelque chose qui est incorrect, qui est incorrect et qu'il faut corriger. Et il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de gens qui sont loin de l'islam. Ils font même pas la salat, ils font même pas, ils traînent dans les rues, ils font beaucoup de choses qui sont contraires à la religion. C'est important de leur faire comprendre le message de la religion. Beaucoup sont influencés, comme j'en ai parlé plusieurs fois, par la musique rap ou bien par les modes qui sont en vogue dans la société et ils suivent ces choses-là. C'est important d'aller leur parler et de les ramener à l'islam. Donc, bien entendu, il y a des principes à prendre en considération et des règles à suivre. Et ça, c'est parmi ces règles-là, il y en a trois qui sont mentionnées par le cheikh. Et ces choses-là, Yannis, ça va nous aider donc à comprendre où mettre la priorité et comment gérer ces questions de priorité-là. Et vous allez voir que c'est très important de comprendre ça. Donc le cheikh, il dit « Manhaj al-da'wah ila Allah jalla wa ala » أعظم ما يحتاج فيه إلى الاعتصام بالكتاب والسنة وذلك في مسائل. Donc le manhaj de la da'wa, lorsqu'on invite à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une des choses les plus importantes dans laquelle on a besoin de s'accrocher au Coran et à la Sunna. Et parmi ça, il y a quelques points. Alaykum salam wa rahmatullah. أما المسألة الأولى فهي مسألة ترتيب الأولويات في الدعوة. الدعاة كثير واختلافاتهم رجعت إلى ما أولويات الدعوة وما الذي ندعو الناس إليه أولا. وعليكم السلام ورحمة الله. ما الذي يبث في الناس؟ الناس يجتمعون على أي شيء؟ ما الهدف من وراء ذلك وما مسائله؟ هذه قضية يختلف فيها الدعاة كثيرا، وهذا مثل اختلافهم في جماعات مختلفة في عدد من بلاد المسلمين. الاختلاف سببه عدم الاعتصام بالكتاب والسنة. Donc le cheikh il dit, la première question ou le premier point, c'est la question de comment ordonner les priorités dans la da'wa. Comment ordonner ou classer les priorités dans la da'wa. Le cheikh il dit que les du'at, les gens qui font de la da'wa, sont nombreux. Et ils ont des divergences lorsqu'on revient à la question des priorités dans la da'wa. À quoi les gens doivent être appelés en premier, hein? Et qu'est-ce qu'on doit faire diffuser parmi les gens? Et les gens, on doit les réunir autour de quelle chose? Hein, sur quel point? Et c'est quoi les objectifs derrière ces points-là? Et quelles sont ces questions? Donc ça, c'est des sujets au sujet desquels beaucoup de du'at, beaucoup de gens qui font de la da'wa sont en divergence par rapport à ces questions-là. Et leur divergence se reflète justement par le fait qu'on retrouve beaucoup de différents groupes dans différents pays musulmans et même dans les pays non musulmans. Et la raison de ces divergences-là revient à une cause, c'est le fait qu'on ne s'accroche pas au Coran et à la Sunna pour justement déterminer quelles sont ces priorités-là. Donc le cheikh il va répondre et il va donner des explications à ce sujet. Il dit, في ترتيب الأولويات وهي المسألة الأولى عندنا الأدلة الواضحة فهناك مقاصد وهناك وسائل ولا شك أن المقاصد هذه إذا كانت شرعية فالوسائل لها أحكام الغايات والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف نرتب الدعوة في قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أهل الكتاب رتب لهم هذا أولا. Donc le cheikh il dit que pour classer les priorités dans la da'wa, ça c'est le premier point, on a des preuves et des textes clairs à ce sujet-là dans le Coran et dans la Sunna. Et il faut comprendre qu'il y a des objectifs et qu'il y a des moyens pour atteindre ces objectifs-là. Et du moment que les objectifs sont en accord avec la charia et font partie de la charia, donc il faut savoir que les moyens qu'on va utiliser pour arriver à ces objectifs-là, eh bien, elles se relient à nos objectifs, c'est-à-dire que si nos objectifs sont en accord avec la charia, eh bien, les moyens qu'on utilise pour arriver à ces objectifs-là doivent eux aussi être en accord avec la charia. Contrairement à ceux qui disent que le but justifie les moyens. Du moment qu'on a un but qui est bon, on peut prendre n'importe quel moyen pour y arriver. Non, c'est pas comme ça en islam. En islam, non seulement le but et l'objectif doivent être en accord avec la charia, mais les moyens qu'on utilise pour arriver à ces objectifs-là doivent eux aussi être en accord avec la charia. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué comment classer les priorités dans la da'wah lorsqu'il a dit à Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, lorsqu'il l'a envoyé au Yémen, il lui a dit que la première chose à laquelle tu les appelles, parce qu'il dit tu t'en vas vers des gens du livre, tu t'en vas vers un peuple parmi les gens du livre, c'est-à-dire des juifs et des chrétiens qui ont reçu un livre auparavant. Donc, tu t'en vas vers des gens du livre. Que la première des choses à laquelle tu les appelles soit le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammadan Rasulullah. C'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour les gens du livre, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a classé cette chose-là comme étant la priorité. C'est le tawhid. Hein? Et il faut comprendre que nous, on est dans cette société-là, un peu une société comparable à celle dans laquelle Mu'adh ibn Jabal a été envoyé, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal dans une société de juifs et de chrétiens. Et nous, actuellement, on est dans une société de juifs et de chrétiens. Donc, si on est ici, donc on doit prendre en considération cette réalité-là. Et si on va faire une da'wah, il faut que cette da'wah-là soit concentrée sur la même chose que ce sur quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi sa da'wah lorsqu'il a envoyé Mu'adh au Yémen. C'est-à-dire concentré sur le tawhid et sur la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et d'essayer de se concentrer sur autre chose que ça, et de prendre d'autres priorités que cette priorité-là, c'est une erreur dans notre manhaj, dans la da'wah. Afwan. Le cheikh il dit, wal muslimu idha jahila aw nasiya aw ghafa aw ghafila. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. والمسلم إذا جاهل أو نسي أو غفل أو غفل أو صارت له شبهة في معنى الشهادتين في التوحيد وفي تحكيم شرع الله جل وعلا فلا بد أن تكون هذه هي الأولوية الأولى لأن معنى الشهادتين هو توحيد الله جل وعلا في عبادته والحكم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أجابوك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة الحديث. Donc le cheikh dit, le musulman lorsqu'il ignore certaines choses ou lorsqu'il a oublié certaines choses ou lorsqu'il a été indifférent ou insouciant par rapport à certaines choses ou bien qu'il a une shubha, par exemple un point qui est confondu dans certaines choses, il a des ambiguïtés ou bien il y a quelque chose qu'il il a de la confusion dans la signification de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Donc ça c'est shahadatayn et la signification du tawhid, ou bien de l'application de la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Si quelqu'un a des shubuhat à ce sujet-là, ça devient une priorité de se concentrer sur cette question-là pour la clarifier. On ne peut pas passer à d'autres choses avant d'avoir clarifié cette chose-là en premier. Hein? Parce que c'est la signification du shahadatayn qui est le tawhid, hein, dans l'adoration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet que s'ils te répondent à ça, c'est-à-dire une fois que tu les as appelés au shahadatayn et qu'ils ont accepté cette da'wah et ils ont compris ça comme il faut, là après, par la suite, tu peux leur faire connaître que Allah subhanahu wa ta'ala leur a rendu obligatoire de faire 5 prières chaque jour, pendant le jour et la nuit. Donc tu passes pas, tu vas pas passer par exemple aux 5 prières. En parlant avec des juifs et des chrétiens, tu leur dis vous devez faire 5 prières par jour, alors que tu leur as même pas expliqué shahadatayn, qu'est-ce que ça signifie correctement. Hein? Sinon c'est une erreur, puisque même s'ils commencent à faire les 5 prières par jour et puis qu'ils n'ont pas compris la ilaha illallah, leurs 5 prières ne seront même pas acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque le shirk ça détruit toutes les œuvres. Hein? Donc il faut commencer par le tawhid et la ilaha illallah. Izan الأولويات في التكفير، فإذا الأولويات في التفكير، في التفكير أن كل بلد تختلف عن البلد الأخرى فيما ينشر فيها وفيما يدعى أهل البلد إليها. هناك بلد يكون الغالب عليهم الجهل بالتوحيد، وهنا تكون الأولوية للدعوة إلى هذا، تعلم الناس توحيد الله حتى ينقذ من النار. وبلد آخر يكون عندهم وضوح في التوحيد ولكن هناك تهاون في الشهوات، فهنا تكون من الأولويات ما تصد هذه الشهوات وأن ينبه عليها مع بقاء الدعوة إلى التوحيد بقدر ما يدخل في القلوب. Donc, le cheikh il dit qu'il faut donc prendre en considération dans la pensée des priorités l'état ou la situation de chaque pays. Et la situation qui existe dans chaque pays peut être différente. Dans un pays peut être différente de ce qui se passe dans un autre pays. Et donc, il faut prendre ça en considération par rapport à la da'wah aussi. Comme par exemple, je disais qu'ici on est dans une société chrétienne ou juive ou laïque ou athée, hein, eh bien il faut prendre ça en considération dans notre da'wah. Et en même temps aussi que les musulmans par exemple qui viennent de différents pays, dans leur pays d'origine, il faut voir la situation aussi de leur société, de leur contexte là-bas, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les priorités dans leur pays à eux. Si par exemple dans leur pays on retrouve qu'il y a par exemple de l'adoration des tombes ou des saints, ou bien beaucoup de khurafat ou des formes de sihr ou des formes de sha'wada, des formes de choses qui sont en contradiction avec la aqidah du tawhid et qui sont manifestes dans la société, c'est certain qu'il ne faut pas négliger ces choses-là. Il ne faut pas commencer à parler d'autres choses, des sujets de l'islam qui viennent par la suite, et négliger cet aspect-là qui est fondamental du tawhid et de l'islam, de purifier la aqidah des musulmans et des musulmanes qui viennent de ces différents pays-là. Ça aussi, on ne peut pas les négliger, on ne peut pas le négliger. Et on peut pas il faut prendre en considération cette réalité-là, parce que la majorité des musulmans qui vivent ici viennent de pays où il y a ces problèmes-là. Donc ça aussi, ça fait partie des priorités. Et donc, le cheikh il dit que si on voit dans un pays par exemple où la grande majorité ou bien le grand problème est l'ignorance du tawhid, eh bien il faut que la da'wah au tawhid soit toujours placée comme étant la priorité, et d'enseigner aux gens le tawhid c'est la priorité pour les sauver de l'enfer. Hein? Parce qu'on a expliqué déjà que celui qui meurt sans tawhid, il n'a aucun espoir par la suite, hein, de rentrer au paradis, tandis que s'il meurt sur le tawhid, même s'il a par la suite des péchés ou des erreurs ou des déficiences dans sa foi, ou dans le sens qu'il a des péchés ou des manquements dans certains aspects des désirs et des passions, eh bien il risque quand même il va quand même être sorti de l'enfer, même s'il rentre dans l'enfer. Donc la priorité ça doit être de sauver les gens de l'enfer, en leur enseignant le tawhid et en leur faisant comprendre la réalité de l'islam et les fondements de l'islam. Tandis que dans un autre pays, le tawhid il est clair, toutefois on voit qu'il y a des négligences en ce qui concerne les désirs et les passions. Les gens suivent leurs passions et leurs désirs. Et ils tombent par exemple dans le riba ou bien dans le zina ou des choses comme ça. Donc dans ces sociétés-là, où il y a une clarté dans la question de tawhid, il faut mettre les priorités sur qu'est-ce qui va empêcher les gens de tomber dans ces passions et dans ces déserts. Et en même temps, bien entendu, comme le cheikh il le dit, il faut toujours qu'il y ait une da'wa au tawhid qui continue parallèlement à ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que le tawhid il est clair qu'on va dire bon on n'en parle plus maintenant, ça y est, on met ça de côté, on continue juste à parler des autres choses. Non, on va parler des autres choses parce que c'est prioritaire dans cette situation-là, mais en même temps, en parallèle, il faut toujours qu'il y ait la da'wa au tawhid qui continue d'être clarifiée. Puisque, comme les ulama ils le disent souvent, et Cheikh Al-Fawzan il l'explique souvent dans ses durus, il dit peut-être qu'aujourd'hui on dit que le tawhid il est clair, mais on ne sait pas pour les générations qui vont venir plus tard. Hein? Peut-être que plus tard les ulama vont mourir, on ne sait pas, et qu'il va venir une génération dans l'avenir qui va être totalement ignorante du tawhid et qu'ils vont tomber dans le shirk à cause de l'ignorance qui va être dans la société. Donc, il faut voir plus loin que ça, et c'est pour ça qu'il faut toujours qu'il y ait une base de l'enseignement du tawhid dans toutes les sociétés, peu importe que le tawhid soit clair ou non. Le cheikh dit wa hakadha hada maqsadun wa wasilatun wa wasilatu hada al maqsad ma hiya wasilatu tahsil hadhihi al da'wa ma hiya hal yajuz ta'khir al nas fi amri da'watin lahum ala hada al asl على توحيد الله جل وعلا وتحقيق الشهادتين إلى أن تقوم دولة في بلد ليس فيه دولة إسلام فالدولة تنفذ هذه الأشياء في الناس هذا طرح موجود في بعض الدعوات يقولون لا بد أن ندعو إلى التوحيد أولا ولكن إذا قامت دولة الإسلام هنا حصلت الوسيلة للإلزام الناس بذلك وهذا طرح غير صحيح لأن الناس حتى يصلوا إلى دولة في بلد ليس فيه دولة إسلام يموت آلاف ويموت عشرات الآلاف ويموت مئات الآلاف إذا مات على الجهل بالتوحيد وإذا مات على عقيدة غير سليمة فهو على خطر إذا مات على الشرك فمن يمت وهو مشرك فهو من أهل النار إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Donc le cheikh il a dit que maintenant on doit comprendre que comme on l'a expliqué, c'est ainsi qu'on doit prendre en considération les priorités dans la da'wa, et ça c'est notre objectif. Maintenant il y a les moyens pour chaque objectif, il y a les moyens pour arriver à chacun de ces objectifs là. Quels sont les moyens qu'on doit employer pour faire parvenir cette da'wa aux gens, ça c'est une autre question. Puis est-ce qu'il est permis de retarder les questions de da'wa au sujet du fondement du tawhid et de dire on va expliquer aux gens ou se concentrer sur le tawhid après avoir établi un état islamique comme certains le disent parfois. Puis une fois qu'on aura établi l'état islamique là, après on va pouvoir implémenter ces explications-là ou ces choses-là sur les gens. Il y a certains groupes de da'wah qui proposent cette chose-là. Et le cheikh il dit que, et ceux qui disent ça, ils disent, on va appeler au tawhid en premier, mais avant on va établir l'état islamique. On va établir l'état islamique et... le cheikh il dit que ça c'est incorrect. Le cheikh il dit que cette proposition là c'est incorrect parce que pour arriver à établir un état islamique, eh bien d'ici à ce qu'on y arrive, il risque d'y avoir des milliers de personnes qui meurent et des dizaines de milliers et des centaines de milliers. Et si ces gens-là meurent sur l'ignorance du tawhid et qu'ils meurent sur une aqida qui n'est pas propre, qui n'est pas correcte, alors ils sont en danger dans ce cas-là. Hein? Si quelqu'un meurt sur le shirk et qu'il meurt alors qu'il est mushrik, il sera des gens de l'enfer. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 72 dans sourate Al-Ma'idah, celui qui fait le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui interdit le paradis, hein, et sa destination sera l'enfer, et il n'y aura aucun secoureur pour les injustes. Donc le cheikh il dit لهذا من أخر الدعوة إلى التوحيد وإنقاذ الناس من الجهل بحق الله جل وعلا وبالتوحيد من الوقوع في الشركيات حتى تقوم الدولة فهذا لم يعتصم بالكتاب والسنة حقيقة في ترتيب أولويات الدعوة وجنى على الناس حيث جعل فئات كثيرين يموتون وهم جهلاء بهذا الأمر وأصبح عند الناس في فترة عقود من الزمان كما هو في بعض البلاد فقه سياسي لأنهم يقرؤون في المجلات أسبوعيا وفي الجرائد يوميا وكتابات إسلامية وتحليلات إسلامية سياسية إلى آخر ذلك مر عقد وعقدان وثلاثة وأربعة وخمسون سنة ستون سنة سبعون سنة الأفواج التي ماتت هذه أليست المسؤولية تقع على الداعي إلى الله جل وعلا لا شك أن من لم يدعو الناس إلى ما يجعلهم من أهل الجنة برحمة الله جل وعلا يقيم عذاب الله ويقيهم عذاب الله فقد خانهم. Le Cheikh il mentionne un point très très important ici. Il dit donc celui qui retarde la da'wa au tawhid, hein, et qui retarde le fait de sauver les gens de leur ignorance au sujet du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et au sujet du tawhid, et qui laisse les gens tomber dans différents aspects du shirk jusqu'à ce qu'ils établissent un état ou un pays musulman, alors celui qui pense comme ça, il ne s'est pas accroché au Coran et à la Sunna dans les questions de da'wah. Il ne s'est pas accroché réellement au Coran et à la Sunna dans la façon de classer les priorités de la da'wah, jusqu'à ce qu'il fasse du tort même aux gens et qu'il fasse un crime envers les gens en réalité, puisqu'il a laissé des grandes quantités de gens mourir dans l'ignorance de leur tawhid et de leur islam. C'est qu'est-ce qu'on a vu par exemple, il y a des individus par exemple qui travaillent dans la da'wah de l'islam et des choses de ce genre, et même certains qui sont considérés par des musulmans comme étant des savants, qui ont écrit même des livres qui s'intitulent par exemple Fiqh al-Awlawiyat, c'est-à-dire la compréhension des priorités dans la da'wah. Puis quand tu regardes dans ce livre-là par exemple, eh bien, tu vas trouver aucune mention du shirk qui est pratiqué par exemple par beaucoup de gens dans les pays musulmans. Et le plus incroyable, c'est que l'individu qui a écrit ce livre-là, il vient d'un pays musulman et d'un pays arabe dans lequel il y a chaque année des pèlerinages à des tombes, et que des gens viennent là-bas par millions pour justement adorer des morts et prier à des tombes et leur offrir des sacrifices et leur demander des choses en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des gens viennent de pays différents en avion pour visiter ces tombes-là et faire des pèlerinages à ces tombes-là. Hein? Donc ça, c'est des exemples de shirk qui se produisent dans ce pays-là. Et cet individu-là, qui a vécu plus que 80 ans et années dans ce monde, et qui a négligé le tawhid jusqu'à écrire un livre sur Fiqh al-Awlawiyyat dans lequel il ne mentionne rien de qu'est-ce qui a rapport avec le shirk et le tawhid, on voit donc que cette personne n'a rien compris aux priorités de la da'wah, et il écrit pourtant un livre sur ce sujet-là, hein. Donc ça, c'est quelque chose qui nous fait comprendre parfois comment certains individus ou bien certains groupes justement passe complètement à côté des priorités, hein. Allah al-Musta'an. En ce qui concerne la visite des tombes, il y en a qui disent ouais, mais il n'y a rien de mal à visiter les tombes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a permis de visiter les tombes, hein, ou de visiter le cimetière. Oui, il n'y a rien de mal à visiter un cimetière si tu le visites selon la sunna, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, que il a dit dans un hadith, kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur fal'an fazuruha fa innaha tuzakkirukum al-maut. Il a dit, je vous avais interdit de visiter les tombes, maintenant je vous le permets, alors visitez-les parce que ça va vous rappeler de la mort. Donc au début de l'islam, les gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de visiter les tombes et les cimetières parce que c'était des gens qui étaient nouveaux à la religion de l'islam, leur tawhid peut-être n'était pas encore ferme ou encore bien établi, et peut-être qu'ils craignaient pour eux à ce sujet. Puis par la suite, il leur a dit, oui, visitez-les parce qu'elle va vous rappeler de la mort. Donc le but de visiter les tombes, c'est de se rappeler de la mort et en même temps de faire des invocations pour que Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à ceux qui sont enterrés et qu'il leur pardonne. Mais c'est pas ça qui se passe parfois de la part de certains, hein. Ils font pas seulement aller visiter un cimetière à côté de chez eux, ils vont faire des pèlerinages à la tombe d'un individu en particulier ou bien à la tombe de certaines personnes qu'ils considèrent comme étant des hommes pieux ou des awliya, et ils pensent que ces êtres-là ou ces personnes-là ont des capacités ou ont des pouvoirs de les guérir ou de leur donner quelque chose de la dunya, hein. Et ils font des voyages qui durent des journées ou bien parfois même des semaines pour aller faire des pèlerinages à ces endroits-là, et ils n'invoquent pas Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah fasse miséricorde à ceux qui sont enterrés. Au contraire, ils invoquent ceux qui sont enterrés, ils leur demandent au lieu de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas la même chose que de visiter une tombe selon la sunna. Il faut faire la distinction entre la visite de la tombe qui est en accord avec la sunna et la visite de la tombe qui est une visite de shirk et qui est une visite qui est basée sur la bid'a et sur le shirk. Donc ça c'est très important à faire comprendre. Donc le cheikh il dit que donc celui qui n'a pas mis le tawhid comme étant sa priorité, il ne s'est pas accroché au Coran et à la Sunna, et il n'a pas réellement compris comment mettre en ordre les priorités dans la da'wa, et il a fait du mal aux gens puisque des gens sont morts sans connaître la réalité du tawhid. Et pour ces gens-là, ces groupes-là ou ces individus-là qui font cette sorte de da'wa et qui suivent plus les situations politiques que d'autres choses, parce que leur intention, soi-disant, c'est d'établir un État islamique, hein. Donc, ils se basent sur les systèmes des koufars et la politique. Et ils rentrent même dans la démocratie et dans les élections et des choses de ce genre. Donc, qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là souvent, c'est que leur da'wa devient politique. Et devient, gérée selon les périodes électorales. Ils deviennent un peu comme des politiciens au lieu d'être des du'ats. Allahul Musta'an. Et donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que ils suivent qu'est-ce qui se passe dans les journaux, dans les magazines, tous les jours, toutes les semaines, les livres et les analyses politiques islamiques soi-disant qui sont écrites, et ils font leur da'wa selon les mandats. Bon, quand il y a une élection, ils savent que là, ils en profitent, ils commencent à faire leurs activités de da'wa et de politique. Puis, quand l'élection est finie, s'ils ont perdu, bon là, ils se préparent pour la prochaine élection. Ils ne se basent pas sur le fait d'essayer d'appeler les gens au tawhid sans prendre en considération ces histoires de politique. Ils se basent sur la politique et sur les questions d'élection pour justement gérer ou appeler les gens. Et donc, qu'est-ce qui arrive à la fin? Le cheikh, il dit, tu vois que un mandat passe, puis deux mandats, puis trois mandats, puis quatre, puis 50 années sont passées, 60 années, 70 années, et ils n'ont rien, ils n'ont rien fait comme da'wa au tawhid. Et donc, le cheikh, il dit, toutes ces grandes masses de personnes qui sont mortes pendant ces années-là, pendant ces 70 années-là ou plus, n'est-ce pas que la personne, ce da'iya qui a négligé le tawhid pendant toutes ces années-là, n'est-ce pas qu'il aura une responsabilité, face à Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'il n'a pas appelé ces gens-là au tawhid pendant toutes ces années-là, Et il n'y a pas de doute, le cheikh dit, il n'y a pas de doute que celui qui n'a pas appelé les gens au tawhid et vers ce qui les fera faire partie des gens du paradis et qui ne les sauve pas du châtiment de l'enfer, qu'il les a trahis. Celui qui n'a pas appelé ces gens-là, qu'est-ce qui va les faire rentrer au paradis et qu'est-ce qui va les sauver de l'enfer? Il a trahi les gens. Il a agi comme un traître. Et le cheikh dit, وَلِهَذَا كُلُّ مَنْ دَعَ إِلَى غَيْرِ مَا رَتَّبَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَوْلَوِيَّاتُ فِي حَدِيثِ مُعَاذِ فَإِنَّهُ لَمْ يَعْتَصِمْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى بَلْ فَرَّقَ الدِّينَ وَجَعَلَ الْوَسَائِلَ مُقَدِّمَةً عَلَى الْغَايَاتِ وَالْوَسِيلَةُ وَسِيلَةٌ لِتَحْقِيقِ الْغَايَةِ وَلَكِنْ أَنْ تَنْقَلِبَ الْوَسِيلَةُ غَايَةً ويموت مئات وآلاف وعشرات الآلاف وأمم وأجيال حتى ننتظر ما يقال إنه حصل فإنه يلزم الناس بشرع الله فهذا ليس إلا من أماني الشيطان الذي يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Donc le cheikh il dit, donc toute personne qui n'a pas suivi l'exemple de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi dans le hadith de Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu aux gens du Yémen, et qui n'a pas établi ses priorités selon l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, alors il ne s'est pas cramponné au Coran et à la Sunna comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a divisé la religion et qu'il a fait des moyens, des objectifs. C'est-à-dire que, par exemple, établir un État islamique ou bien un gouvernement islamique, ça c'est un moyen. C'est un moyen d'établir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas un objectif en soi. C'est pas un objectif en soi, mais c'est un moyen pour établir l'objectif qui est d'établir par la suite l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de ça un but et un objectif. Hein? Et ils ont négligé le vrai but et le vrai objectif qui est d'appeler les gens au tawhid et à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et si le but était d'établir un état avant tout, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait pas passé 13 ans hein, à appeler les gens à la ilaha illallah seulement et à combattre les idoles. Pendant toute cette période, il aurait dit, on veut établir un état en premier et appeler les gens de Quraysh à dire, on va faire un état en premier. Mais il n'a pas fait ça. Il a appelé les gens au tawhid en premier. Et même lorsqu'il a eu le support des Ansar par la suite et qu'il a eu un état, il a continué sa da'wah au tawhid. Et même après sa mort, les sahaba, hein, même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba ont continué la da'wah du tawhid. Et ils l'ont répandu malgré qu'ils avaient déjà un état. Et ils ont continué à le répandre partout dans le monde. Donc le cheikh il dit qu'il ne faut pas donc mettre, comme on dit, mettre les choses à l'envers, mettre les buts comme si c'était, mettre les moyens comme si c'était des buts et des objectifs. Pendant ce temps-là, des milliers de personnes meurent et des générations meurent et on est en train d'attendre, de dire, mais on attend qu'on arrive à obtenir un état pour établir la religion d'Allah. Ça, c'est des faux espoirs de la part du shaitan. Et le shaitan ne leur fait que des fausses promesses et donc il les trompe avec ces fausses promesses. Et donc c'est ça qu'il faut faire attention. Ça c'est le premier point que le cheikh a expliqué par rapport à l'i'tisam dans les questions de da'wah. Ensuite le cheikh il passe maintenant à un deuxième point. المسألة الثانية المتعلقة بالاعتصام بالكتاب والسنة في الدعوة أن الداعية يجب عليه أن لا ينظر إلى المصالح التي تعارض ما دلت عليه الأدلة فالدين مبني على فقه بالنصوص والأمناء على الشريعة هم الفقهاء بالكتاب والسنة. Donc il y a déjà, par exemple, vous allez les voir maintenant, moi, au Canada, on a des gens comme ça, surtout parmi les gens qu'on appelle les Ikhwan. Et leurs conférences et leurs conventions et le sujet des discours qu'ils font, c'est toujours autour de yani, des questions sociales et des questions politiques. Et ils ne parlent jamais de aqida. Donc, le cheikh maintenant, qu'est-ce qu'il va parler? C'est yani, des choses qui sont reliées à ces questions-là. On en a parlé dans le premier point, puis on y revient maintenant aussi dans le deuxième point aussi. Un autre point, et ça c'est très très important aussi, et vous allez voir. Le cheikh, il dit également, parmi qu'est-ce qui fait partie de s'accrocher au Coran et à la Sunna dans la da'wah, il faut que le da'ya, la personne qui fait la da'wah, c'est obligatoire pour lui de regarder les intérêts, les bienfaits de la da'wah, les intérêts qui sont reliés à la da'wah, et il ne doit pas regarder les intérêts qui sont en opposition ou qui s'opposent au texte et aux preuves de la charia, au texte et aux preuves du Coran et de la Sunna. Parce qu'il y a des gens qui disent, qu'est-ce qui est important, c'est d'arriver à obtenir des bienfaits et d'obtenir le bienfait général ou le bien général pour les musulmans et d'amener qu'est-ce qui amène une maslaha ou un masalih, le pluriel de maslaha, c'est masalih. C'est-à-dire, le plus important, c'est d'arriver à obtenir des objectifs positifs et des bienfaits et des, qu'est-ce qui va aider ou qui va profiter à l'intérêt général des musulmans. Donc le cheikh, il explique que si on regarde les intérêts ou les bienfaits généraux de qu'est-ce qui a rapport avec la da'wah ou de qu'est-ce qui a rapport avec les musulmans, il faut les regarder selon le Coran et la Sunna. Ces intérêts-là et ces bienfaits-là doivent être dictés par le Coran et la Sunna, et on ne doit pas regarder les masalih qui viennent en opposition avec ce qui est prouvé dans les textes du Coran et de la Sunna, parce que la religion, elle est basée sur la compréhension des textes du Coran et de la Sunna, pas basée sur des intérêts seulement. C'est-à-dire, on n'est pas des, notre da'wah, c'est pas une da'wah matérialiste. On base juste notre da'wah sur des intérêts de la dunya et on essaie de faire ça comme étant la priorité dans la da'wah, hein, d'obtenir des choses uniquement selon les principes de la dunya, sans prendre en considération les textes et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne. Donc le cheikh, il dit que les gens qui sont placés comme étant les protecteurs et les défenseurs et ceux qui ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la charge et le dépôt de prendre cette charia en charge et de s'en occuper, ce sont les fuqaha, ceux qui comprennent le Coran et la Sunna. Et le cheikh, il dit wallahu jalla wa ala ja'ala lana mathalayn عظيمين ببعثة أول الرسل نوح عليه السلام وببعثة خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. فنوح عليه السلام مكث في قومه ألف سنة إلا 50 عاما، والحصيلة وما آمن معه إلا قليل. أكثر ما جاء في رواية المفسرين أنهم كانوا 70 أو 80 ممن آمن معه حصيلة 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة في الدعوة إلى أصل واحد وبيان واحد. والمثال الآخر محمد صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما يدعو إلى توحيد الله، وفي المدينة 10 سنين بعد ذلك، وفي خلال هذه 23 سنة آمن معه ممن حج معه حجة الوداع نحو 100,000. Donc le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné deux grands exemples avec le premier des messagers, Nuh alayhi salam, et le dernier des messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nuh alayhi salam, il restait 950 ans dans son peuple, 1000 ans moins 50. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à ce sujet-là, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Ceux qui ont cru avec lui ne sont qu'un petit nombre, très peu de gens ont cru en lui. Et quand on regarde les narrations qui sont rapportées de la part des savants de tafsir, ils disent qu'ils étaient à peu près 70 ou 80 qui ont cru avec Nuh sur une période de 950 ans. Imaginez, hein, si on regardait maintenant par rapport aux, aux gens d'aujourd'hui, comment ils calculent hein, le succès du, yani, qui est relié à la da'wah ou des choses comme ça, et qui regardent la da'wah juste sur le plan des résultats, eh bien, ils diraient que ça c'est, hein, que ça c'est pas beaucoup, et que ça, ça, pour eux, ce serait un signe que la da'wah elle est pas bien faite, ou bien qu'ils pensaient que la da'wah elle est pas faite correctement. Comment ça se fait, sur 950 ans, quelqu'un il a juste amené 70 ou 80 personnes à la fois. Donc, ça c'est la mentalité des gens qui n'ont rien compris à la réalité de la da'wah. Hein? Ils regardent les choses selon les nombres. Hein? Et donc, c'est ça que le cheikh explique ici. Il dit, il est resté 950 ans à faire la da'wah à une seule chose et à un seul fondement. C'est quoi? C'est le tawhid. 950 ans que sur le tawhid. Hein? Tandis que l'autre exemple, c'est l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est resté pendant 13 ans à appeler au tawhid à Mecca et qui par la suite est allé à Al-Madina pendant, et pendant 10 ans il a continué sa da'wah et donc en tout ça fait 23 ans et ceux qui ont cru en lui, parmi ceux qui ont fait le hajj avec lui dans le dernier hajj, c'est environ 100 000 personnes. 100 000 personnes qui ont cru en lui. Donc le cheikh il dit Nuh huwa awwal ar-rusul min uli al-azmi min ar-rusul wa huwa awwaluhum bazala kull majal fi ad-da'wah walakin ma adhina Allah jalla wa ala qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi athanihim wastakhshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra ila akhir al-ayat fi surati nuh alf sanatin illa 50 aaman hadha mathal ala hadha mathal. Donc le cheikh il dit que Nuh alayhi salam, c'est le premier d'entre les messagers parmi Ulul Azm, et yani, c'est le premier qui a fait la da'wah, qui a appelé les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a essayé de toutes les manières et de toutes les façons d'appeler son peuple à Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas permis, hein, n'a pas permis que les gens acceptent en grand nombre. Et il dit, les paroles, il cite, Allah subhanahu wa ta'ala cite les paroles de Nuh alayhi salam, il dit et Noé a dit ô mon Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour et mon appel ne les a augmentés qu'en fuite, hein? Mon appel ne les a fait augmenter qu'en fuite, plus qu'il les a appelés à Allah, plus qu'ils s'éloignaient, plus qu'ils ne voulaient rien savoir, hein? Et à chaque fois que je les ai invités pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles. Hein? Allah al-Musta'an. Parce qu'ils ne voulaient pas entendre qu'est-ce que Nuh était en train de dire. Et ils couvraient leur tête. Hein? Ils couvraient leur tête pour ne pas entendre. Ils mettaient leurs vêtements sur leur tête et yani, ils persistaient, ils s'enflaient d'orgueil. Ils ne voulaient pas écouter. Puis il dit, je les ai appelés ouvertement. Et je les ai appelés en secret. Hein, donc il a tout essayé par tous les moyens de leur faire connaître le message. Et jusqu'à la fin de qu'est-ce qui est mentionné dans Surat Nuh. Hein, et donc pendant 950 ans, il a suivi cette voie et cette méthode. Et le cheikh il dit ensuite, إذن في هذين المثلين يظهر لك أن الدعوة في اعتصام الداعي بالكتاب والسنة أن ينظر في دعوته إلى أي شيء يدعو أما هدى الناس فليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ولهذا من أصول أهل العلم أن الاغترار بالكثرة من وسائل الشيطان قد تكون الكثرة على باطل وقد يكون الكثرة على حق إذا كانوا على الكتاب والسنة. Donc le cheikh il dit que donc dans ces deux exemples qu'on a donné, on voit clairement que la da'wah يعني la personne qui fait la da'wa, il doit s'accrocher donc au Coran et à la Sunna. Et que dans sa da'wa, il doit appeler à quoi? Il doit appeler à qu'est-ce qui est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne va pas dire par exemple, oh mais là je suis en train de faire de la da'wa, je suis en train de parler aux gens, et il n'y a personne qui m'écoute, il n'y a personne qui répond. Donc, je vais changer ma da'wa, je vais appeler à d'autres choses, je vais parler de d'autres choses, comme ça les gens vont m'aimer plus, hein, ils vont accepter plus. Hein. Et c'est ça qui est arrivé à certains, Allah musta'an, parmi des individus et des groupes. Ils ont dit, ah mais quand on parle des gens de l'islam, de l'aqidah, ça les endort, ils ne trouvent pas ça intéressant, ils n'aiment pas. Donc on va parler d'autres choses. On va parler de politique, hein, ça c'est passionnant. On va parler d'économie, on va parler de social, on va parler de ci et de ça. Alors là les gens ils vont aimer ça. Il y en a même quand ils parlent aux kuffars, ils leur parlent pas d'islam, ils les appellent pas au tawhid, ils leur parlent de yani, politique, d'économie, de trucs de ce genre. Et ils leur disent l'islam c'est le meilleur système économique. L'islam, c'est le meilleur système politique. L'islam, c'est ça. Hein? Et yani, il laisse le tawhid de côté. Comme si l'islam, c'était une idéologie politique ou économique ou une théorie sociale ou des choses de ce genre. Hein? Donc, là, pourquoi? Pour rassembler le monde, pour réunir les gens. Ou bien ils vont parler des questions qui se passent dans le monde. Et il se limite à ça. Et il change même parfois le message de l'islam pour faire plaisir aux gens. Au lieu de parler, par exemple, il y a des fondements de l'islam, ou bien des choses qui sont clairement halal ou haram, il y a des choses qui sont clairement haram, ils vont même parfois essayer de les rendre halal pour faire plaisir aux gens. Ah, si on leur dit que ça c'est haram, ils vont pas vouloir nous écouter. Donc on va leur dire que c'est halal. Hein, ou des choses de ce genre. Donc ça veut dire qu'ils déforment la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala pour attirer les gens, pour faire plaisir aux gens et pour les attirer selon leur passion. Est-ce que les messagers d'Allah ont fait ça? Quand on regarde l'exemple de Nuh, on voit clairement que ce n'était pas le cas. Nuh, alayhi salam, 950 ans, personne ne l'écoute. Hein? Si l'un d'entre nous, il passe même un an, il fait la da'wah, personne ne l'écoute, il commence à... Parfois, il commence à s'impatienter. Hein? Imaginez 950 ans, il appelle les gens tawhid, tawhid, tawhid, tawhid tout le temps. Hein? Il n'a pas dit ah mais là c'est... les gens ils veulent plus m'écouter, je vais plus parler de ça, je vais parler d'autres choses maintenant. Non non, continue sur le tawhid. Donc le cheikh il dit qu'est-ce qui est... ça c'est un point qui nous fait comprendre que la guidance des gens ce n'est pas à nous, c'est pas nous qui allons décider qui va être guidé et qui va pas être guidé. C'est Allah qui guide qui il veut. Hein? C'est Allah qui met la foi dans le cœur de qui il veut. Et nous, on n'a pas le pouvoir de guider hein, les hommes, de guider qui on veut. La seule chose qu'on peut faire, c'est de transmettre le message. Et c'est ça notre rôle et notre devoir. C'est pas de changer le message de la religion pour faire plaisir aux gens, mais c'est de leur faire connaître le vrai message de qu'est-ce que Allah veut des hommes pour que celui qui est sincère et qui y croit va l'accepter. Et celui qui ne veut pas l'accepter, qui n'y croit pas, il ne l'accepte pas, mais il aura été informé de ce qui l'attend par la suite. Hein? Donc, il est très important donc de comprendre que parmi les fondements que les ulama ont expliqués au sujet de justement de ce point-là, c'est qu'il ne faut pas se laisser tromper par le nombre. Et que de se laisser tromper par le nombre, ça c'est un des moyens qui est employé par le shaitan pour égarer les hommes et pour égarer les gens dans la da'wa. Parce que il se peut que le plus grand nombre soit sur le faux. Il se peut que le plus grand nombre de personnes soit sur le faux. Donc si on se base juste sur le faux, si on se base juste sur le nombre, c'est pas une référence. Hein? Contrairement aux koufars ou bien aux gens qui croient à la démocratie, par exemple, qui disent ah ben on a eu la majorité aux élections qui ont voté pour nous, ça veut dire ça, c'est la vérité. C'est pas ça qui détermine. Regardez maintenant, ils ont voté une loi hein, pour interdire le niqab. Est-ce que ça veut dire que le niqab, c'est pas bon? Est-ce que ça veut dire que le niqab, c'est pas quelque chose de bien? Pas parce que la majorité d'entre eux ont accepté quelque chose ou ont dit quelque chose que ça veut dire que c'est le haqq. Même s'il y a une seule personne qui dit la vérité, c'est lui qui est sur le haqq. Même si toute la même si toute l'humanité le contredit. Hein? Donc ça c'est un exemple. Et le cheikh il dit, et ça se peut parfois que le grand nombre soit sur la vérité. Mais ça c'est à condition qu'il soit sur le Coran et sur la Sunna. Si le grand nombre n'est pas sur le Coran et sur la Sunna, ils ne sont pas sur la vérité. والأمر الثاني أن تحصيل الكثرة بدون تأسيس الدعوة على الكتاب والسنة بالاعتصام بها وبما جاء بها وبترتيب أولوياتها فهذا يجعل الناس يذهبون إلى الوسيلة ويتركون الغاية. وانظر في سورة يوسف عليه السلام وهي تسمى سورة الدعوة والداعية لما اشتملت من قصة دعوة يوسف عليه السلام. قال جل وعلا في آخرها وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن هذه حكمة الله جل وعلا. والآية الأخرى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفي آخر سورة الدعوة والداعية سورة يوسف عليه السلام قال فيها بعدما نهى عن الاغترار بالكثرة قال جل وعلا قل هذه سبيلي، يعني المذكورة في السورة، فسبيل محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة هي سبيل الأنبياء والمرسلين جميعا، كما قال جل وعلا أثناء السورة إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. Donc le cheikh explique que le deuxième point, donc, c'est que d'arriver à obtenir la grande majorité ou le grand nombre sans avoir établi la da'wah sur le Coran et la Sunna, et de s'accrocher au Coran et à la Sunna, et de suivre ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, dans la façon de classer ou de placer les priorités, ça fait en sorte que les gens, au lieu de s'accrocher ou de se concentrer sur l'objectif et sur le but, il s'accroche sur les moyens au lieu de s'accrocher aux objectifs. Et il dit, regardez la sourate de Yusuf alayhi salam, on l'appelle la sourate de la da'wa et du da'ya, parce que dans cette sourate il y a l'histoire de la da'wa de Yusuf alayhi salam, et à la fin de cette sourate on trouve dans le verset 103, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et la plupart des gens ne seront pas croyants, même si tu le désires ardemment. C'est-à-dire, la majorité des hommes ne seront pas croyants, même si toi tu le désires. Et donc, c'est notre prophète. Et ça, c'est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est expliquée dans ce verset-là. Et il dit, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Le verset 106. Juste après, il dit, c'est-à-dire que la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant des mushrikoun. C'est-à-dire qu'ils croient en Allah, c'est-à-dire qu'ils croient en Tawhid al-Rububiyya, mais ils font de shirk dans al-Uluhiyya. Hein? C'est ça que ça signifie ce verset-là. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Ils croient en Allah, que Allah c'est le créateur, que Allah c'est lui qui donne le risque, que Allah c'est lui qui est maître de tout. Ils croient en Ar-Rububiyya, mais ils prennent des intermédiaires entre eux et Allah dans l'adoration. Et ils font le shirk dans l'adoration. Hein? Et ça, c'est quelque chose qui est batil, c'est quelque chose qui est faux. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset-là que la plupart d'entre ceux qui disent qu'ils croient en Allah sont des gens qui commettent le shirk. Hein? Et il dit ensuite, à la fin de cette sourate, la sourate Yusuf, après avoir expliqué les règles sur le fait qu'on ne doit pas se laisser tromper par le nombre, il dit « قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي » Il dit « Dis au Muhammad, aux hommes, voici mon chemin, voici ma méthodologie, voici ma voie dans la da'wah. Hein? » Donc il dit, ça c'est la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la da'wah, et c'est la voie de tous les prophètes et de tous les messagers, comme ça a été expliqué à travers la sourate. Donc, il dit, le verset 40 dans sourate Yusuf, le jugement n'appartient qu'à Allah, il a ordonné que rien ne soit adoré excepté lui, voilà la religion de la droiture. هذه الدعوة دعا إليها يوسف في السجن ودعا إليها لما قابل الملك ودعا إليها لما أتى إخوته وهكذا حتى دعا الله جل وعلا في الدعاء الأخير توفني مسلما وألحقني بالصالحين قل هذه يعني المذكورة في السورة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة والبصيرة هي الاعتصام بالكتاب والسنة فمن كان فقيها بالكتاب والسنة فهو على بصيرة من دعوته أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وفي السورة نفسها بعد هذه الآية قال جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا لأن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يرغب ويميل بل يسأل الله جل وعلا أن يأتي نصره الذي وعد بظهور الحق على الباطل وظهور التوحيد على الشرك وظهور الشريعة على غيرها قال جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل ظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا على القوم المجرمين ثم قال جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لشيخ الزيسة سلا دعوة كيوسف عليه السلام أتابلي lorsqu'il était en prison. Il a appelé au Tawhid. Lorsqu'il était devant le roi, il a appelé au Tawhid. Lorsqu'il était avec ses frères, la même chose. Toute sa vie, c'était la da'wah. Et même lorsqu'il a fait son dua, à la fin, lorsqu'il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 101, il a dit, fais-moi mourir musulman et fais-moi être parmi le nombre des salihin. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, قل, dis au Muhammad, que tout ce qui est mentionné dans cette sourate au sujet de la da'wah, ça c'est ma voie, ma méthodologie, mon chemin. J'invite à Allah avec basira. Basira, c'est-à-dire de s'accrocher au Coran et à la sunna avec compréhension et de comprendre le Coran et la sunna dans notre da'wah. Moi ainsi que ceux qui me suivent. Donc c'est ma voie et ma méthode à moi et la voie de ceux qui me suivent également. Hein? Donc toute personne qui suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça doit être aussi sa voie. Il doit suivre cet exemple. Moi ainsi que ceux qui me suivent et yani, pureté à Allah subhanahu wa ta'ala et je ne suis pas un homme des mushrikin. Hein? Et donc dans la même sourate, dans le verset 110, Allah subhanahu wa ta'ala il dit jusqu'à ce que les messagers commencent à perdre espoir et qu'ils pensent qu'ils ont été mentis, qu'on leur a menti, leur vient notre victoire ou notre support. Donc la personne qui invite à Allah subhanahu wa ta'ala, il souhaite avoir la victoire d'Allah. Il souhaite que Allah subhanahu wa ta'ala fasse venir ce qu'il lui a promis, que la vérité va avoir le dessus sur le faux, que le tawhid va avoir le dessus sur le shirk, et que la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala est le dessus sur autre que la charia d'Allah. Ça c'est qu'est-ce que chaque croyant espère et ce que chaque croyant souhaite. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne, il dit jusqu'à ce que les messagers commencent à perdre espoir et ils pensent qu'on leur a menti et à ce moment-là leur vient notre victoire et nous sauvons qui nous voulons et personne ne peut repousser notre rigueur contre les peuples criminels. Puis Allah subhanahu wa ta'ala il dit et il y avait au sujet dans l'histoire de ces messagers là des leçons pour toute personne qui détient la raison. نأخذ من ذلك أن الداعي إلى الله جل وعلا في أموره يجب عليه أن يعتصم بالكتاب والسنة قبل الناس أو ما قبلوا ولا يستعجل ولا يترك الصبر ولا استمساك بالكتاب والسنة لأجل عدم قبول الناس الناس يستخفون لأن أكثر الناس لا يقنون والله جل وعلا نهى نبيه وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقنون الذين لا يقنون يستخفون ولو عمل كذا صار أحسن وصار أحسن وهي أوهام هنا ننظر إذا كان أحسن مع تأييد الكتاب والسنة فهذا مبارك وإذا كان أحسن بظن وهو مضاد للكتاب والسنة فليس ثم قبول له الشيخ يقول donc que la personne qui fait la da'wa elle doit donc يعني s'accrocher au Coran et à la Sunna dans ses affaires et dans sa da'wa que les gens acceptent ou que les gens n'acceptent pas que les gens acceptent ou que les gens n'acceptent pas sa da'wa il ne doit pas se précipiter et il ne doit pas abandonner l'endurance et la patience et le fait de s'accrocher au Coran et à la Sunna que les gens acceptent ou que les gens n'acceptent pas parce que les gens ils vont t'étourdir les gens ils vont essayer de t'ébranler et de t'étourdir hein? Parce que la plupart des gens ils n'ont pas de certitude en Allah subhanahu wa ta'ala ils n'ont pas de certitude et de conviction en Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à son prophète qui est Al-Mustafa, celui qui a été élu par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit donc de se laisser ébranler et de se laisser étourdir par les gens. Dans Surat Ar-Rum, le verset 60, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: alors fais preuve de patience, sois patient sois patient, la promesse d'Allah est véridique. Et que les gens qui n'ont pas de conviction ne te laisse pas, ne t'ébranle pas, ou bien ne t'étourdisse pas, yani, au sujet de, yani, la da'wa que tu fais. Parce que ceux qui n'ont pas de conviction, ils essaient de t'ébranler. Ils essaient de te faire dire, par exemple, ah, peut-être que si je faisais ça, ça fonctionnerait mieux. Peut-être que si je faisais telle chose, ça irait mieux. Peut-être les gens accepteraient ma da'wa. Et, le cheikh, il dit, ça, c'est des illusions seulement. Ça, c'est seulement des illusions. Il dit, si tu regardes pour savoir qu'est-ce qui est meilleur dans ta da'wa, il faut que ce soit supporté par le Coran et la Sunna. Si c'est supporté par le Coran et la Sunna, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est mubarak. C'est bien, c'est correct. Mais si tu veux faire quelque chose de meilleur selon qu'est-ce que tu penses, et que c'est en opposition avec le Coran et la Sunna, alors, yani, dans ce cas-là, yani, c'est pas accepté. Donc ça c'est le deuxième point. Puis le troisième point, المسألة الثالثة في هذا الأمر أن الاعتصام بالكتاب والسنة يكون معك من أنواع التعامل كما ذكرت لك. ولهذا يجب علينا أن نضع منهجا واضحا في أنواع التعامل. وكنت ألقيت كلمة فيما مضى في أنواع التعامل المختلفة. وقسمت الخلق إلى 10 أقسام. ابتداء من نفسك وكل نوع له نصوص تحكم التعامل معه فإذا تعاملت في موضع بما لم يكن الفقه الصحيح أن تتعامل فيه بهذه الطريقة فربما صددت عن دين الله وأنت لا تشعر ولهذا من حمل على نفسه وألزمها الصبر والالتزام بالكتاب والسنة فإنه هدي إلى صراط مستقيم كما قال سبحانه وتعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ولا بد أن نفقه تارة يأتي أن تفقه تارة يأتي الشيطان للإنسان ويجعله يغلب جانبا مأمورا به في الجملة على جهة أخرى مأمورا بها أيضا في الجملة ولكن في غير هذا الموضع. Donc le cheikh il explique ce troisième point qu'il faut s'accrocher au Coran et à la Sunna et qu'il y a parfois certaines façons d'interagir ou d'agir avec des différentes catégories de personnes et donc il faut savoir ou il faut plutôt placer une méthodologie claire dans la façon dont on doit agir dans ces différentes circonstances-là et avec ces différentes catégories de personnes. Et il dit que dans le passé, il a fait une conférence au sujet donc de ces différentes catégories d'interaction ou de façon d'agir avec différentes catégories de personnes. Et il a divisé le khuluq, le bon comportement, en 10 catégories. en commençant par le comportement que tu dois adopter avec toi-même, puis yani avec 10 différentes catégories de personnes. Et pour chaque catégorie, il a ramené les textes qui se rapportent, comment on doit agir avec telle catégorie et les preuves qui sont reliées à ces différentes catégories-là. Et si quelqu'un agit ou prend un certain comportement dans la façon d'agir avec une catégorie sans comprendre d'une compréhension correcte comment on doit agir et de quelle façon on doit agir avec cette catégorie-là, alors il se peut que cette personne-là va obstruer le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala sans apercevoir ou sans réaliser. Et il dit que c'est pour cette raison-là que le cheikh il dit que c'est pour cette raison-là que si quelqu'un يعني ولهذا من حمل نفسه على وألزمها الصبر والالتزام بالكتاب والسنة نعم. Donc si quelqu'un se force lui-même à être endurant et à être patient et à s'accrocher au Coran et à la Sunna, alors il a été guidé vers un droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 101 dans sourate Al-Imran, quiconque s'accroche à Allah subhanahu wa ta'ala, certes quiconque se cramponne à Allah subhanahu wa ta'ala, il a été guidé vers un chemin droit. Donc il faut bien comprendre ça, parce que parfois le shaitan il va venir vers toi et il va te faire mettre de l'avant un aspect dans ta façon d'agir, puis il va te le faire mettre devant une autre façon d'agir qui est générale aussi mais qui n'est pas à sa place. Donc tu vas mettre un comportement au-dessus d'une autre façon d'agir alors que tu n'agis pas de la bonne façon parce que tu l'as pas mis à sa place. Et il donne un exemple. فمثلا يأتيه بعزة المسلم فيجعله يعامل الكافر بغير المعاملة الشرعية يظن أن العزة هنا أن البراء في هذا الموطن سائغ ويكون مخطئا والكفار كما هو معلوم في ديار الإسلام على قسمين كفار معاهدين وكفار مستأمنين والكافر الذي يكون خارج الحرب أو الرسل التي تأتي للملوك ونحو ذلك فالكافر المظهر للعداوة هذا له حكم والكافر العادي الذي لم يظهر عداوة للإسلام وغيره وإنما أتى لطلب الرزق ويريد أن يعيش ونحو هذا فهذا له حكم والنبي صلى الله عليه وسلم عدا غلاما يهوديا وهو في النزع كما هو معلوم في الحديث فأتاه ووجده يغرغر وجده ليس يغرغر وجده في الحالة الأخير فقال للغلام اليهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فنظر الغلام اليهودي إلى أبيه ما يريد أن يخالف أباه لضعف الغلام فقال أبوه له يا غلام أطع أبا القاسم فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الحمد لله الذي أنقذني الذي أنقذه بي من النار. Donc le cheikh il donne un exemple. Il dit des fois il y a des gens qui se prennent, ils voient par exemple que le musulman il a sa fierté, il a son honneur, et donc il se met à agir avec le kafir d'une manière qui n'est pas en accord avec la charia. Il dit parce qu'il pense que il doit faire preuve de sa fierté et de son honneur et de se désavouer des koufars, et il le fait d'une façon incorrecte parce qu'il ne la place pas dans son contexte. Et il dit qu'on sait très bien que les koufars dans les pays musulmans, dans les pays d'islam, ils sont de deux catégories. Les koufars qui sont mu'ahadin, c'est-à-dire ceux qui ont une entente avec les musulmans, et les koufars qui sont mustamanin, c'est-à-dire ceux qui sont rentrés en sécurité et en paix, comme qui ont un visa ou des choses comme ça, ils sont venus pour travailler ou faire d'autres choses. Et ça s'applique à nous ici aussi, par exemple, parce que on est dans un pays de koufars, et puis on est rentré ici avec un visa, ou bien soit on est né ici, on a il y en a plusieurs qui sont nés ici, sont déjà là avec la nationalité française. Donc le cheikh il dit des fois il faut savoir donc comment agir avec différentes catégories de koufars. Il y a les koufars qui montrent leur opposition et leur haine à l'islam et qui sont en guerre, parce qu'il y a des guerres entre leur pays et notre pays, comme par exemple ça peut arriver, c'est déjà arrivé entre certains pays musulmans et certains états musulmans. Et les situations où il y a des ententes de paix et des choses de ce genre. Donc, il faut savoir que il y a une façon d'agir selon le contexte. Et le cheikh, il dit donc, comme par exemple aussi les messagers qui viennent de la part des différents rois, les émissaires, ou bien les ambassadeurs ou les consulats qui viennent des pays non musulmans, qui vont dans les pays musulmans, ainsi de suite, eux, ils ont une façon qu'on doit agir avec eux, différente des koufars qui sont en guerre contre les musulmans. Et on ne doit pas les mettre toutes à même égalité. Les koufars ne sont pas tous pareils. Il y a des koufars qui montrent leur haine envers l'islam, et il y a des koufars qui sont ordinaires, qui ne montrent pas leur haine envers les musulmans et envers l'islam. Et chacun, il a son verdict, et chacun, il a sa façon, comment on doit agir avec lui. Et l'exemple de ça, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est allé visiter un juif, à son époque, qui était proche de la mort, un jeune juif qui était proche de la mort. Et il a dit au jeune, dit, je témoigne que la ilaha illallah, il n'y en a que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Et le jeune a regardé son père, et il ne voulait pas contredire son père. Hein. Donc le père de cet homme a dit, Ô mon garçon, obéis à Abu al-Qasim, c'est-à-dire obéis au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a témoigné, il a dit, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Donc ce petit juif, il est devenu musulman. Ce petit juif, il est devenu musulman et il est mort musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a élevé ses mains vers le ciel et il a dit, louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a sauvé de l'enfer par moi, qui a fait de moi une cause pour que ce jeune juif soit sauvé de l'enfer. Hein? Donc, ça c'est très important. Ça c'est très important qu'on est dans ce pays, on a une priorité de faire la da'wah à ces gens-là qui connaissent rien de l'islam, qui connaissent pas la religion du tawhid, et qui ont des fois de l'islam une image qui est complètement contraire à la réalité, qui connaissent pas le réel message du tawhid et de l'islam. Donc le cheikh il dit, وَكَانَ يَتَعَاهَدُ جِرَانَهُ حَتَّى مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَكَانَ إِذَا طَبَخَ مَرَقًا فِيهِ لَحْمٍ أَرْسَلَ إِلَى جِرَانِهِ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de visiter ses voisins et de voir comment ils allaient, hein, même les non-musulmans. Et des fois il faisait à manger, et il faisait un bouillon par exemple, quelque chose comme ça, avec de la viande, et puis il en envoyait un peu pour son voisin. Le cheikh dit, voilà que le shaytan قد يدخل إليك من باب التعامل فيقول في هذا الموطن يعني أظهر عزتك اغضب انهى عن المنكر يكون الموطن ليس موطن نهي عن المنكر وإنما موطن دعوة فيغلظ فيغلط من جهة جهله من جهة ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. Donc le cheikh il dit, dans ce cas-là, le shaitan, des fois, il vient, et il te dit, par exemple, monte ta force, monte ta puissance, fâche-toi, interdis le munkar, le mal. Alors que dans ce contexte-là, c'était pas un contexte d'agir de cette manière-là, mais plutôt c'était dans le contexte d'inviter cette personne-là à l'islam. Et donc, tu fais l'erreur, à cause de ton ignorance, et à cause du fait que yani, tu ne sais pas ce qui est indiqué par les textes du Coran et de la Sunna à ce sujet-là, et donc tu agis d'une manière qui est en contradiction avec la façon dont tu devrais agir correctement selon l'islam. Le cheikh il dit aussi comme bil fiqh fi al-sharia, al-fiqh fi al-kitab wa al-sunna, li'annahu bil fiqh yahsul al-i'tisam, al-i'tisam ijmalan bima taqirru bihi wa ta'taqid, wa hunaka i'tiqad tafsili, wa hadha la yakunu illa bil 'ilm, wa lidhalika ahra an-nas bil i'tisam bil kitab wa al-sunna ahlu al-'ilm bil kitab wa al-sunna. في الختام أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المؤمنين حقا ومن اعتصموا بكتاب الله وممن اعتصموا بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت لكم في بداية المحاضرة أن كل مسألة من مسائل الشبهات أو من مسائل الشهوات يمكن أن تدرج ضمن هذا الموضوع الاعتصام بالكتاب والسنة كل نصوص الاهتمام بالسنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تأتي في هذا الباب وكل نصوص اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن تأتي في هذا الباب أو تأتي في الباب ولا شك أن هذا يطول تفصيله أسأل الله أن يعفو عني وعنكم وأن يجعل عاقبتنا إلى الخير وأن يرحمنا ويرحم أباءنا وأمهاتنا وأن يرفع درجاتنا في الجنة اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit donc je vous enjoins d'acquérir la compréhension de la charia et la compréhension du Coran et de la sunna parce que c'est en étudiant et en apprenant le fiqh yani que vous allez être capable de vous accrocher fermement au Coran et à la sunna donc de façon générale et yani en étudiant également qu'est-ce que tu dois accepter comme étant ta aqida et bien entendu il y a la aqida générale et il y a la aqida détaillée et ça tu peux pas l'avoir accepté en étudiant et en ayant la science hein. Et donc c'est pour ça que ceux qui ont une façon plus correcte de s'accrocher au Coran et à la Sunna c'est ceux qui ont la connaissance du Coran et de la Sunna. Et pour terminer, il dit, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de moi et de vous des vrais croyants qui s'accrochent, qui sont réellement parmi ceux qui s'accrochent au Coran et à la Sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que ce sujet-là, il a un rapport avec toutes les questions de la religion, que ce soit les questions des ambiguïtés dans la croyance ou des questions des passions dans les déserts et des choses de ce genre. Et chacun de ces sujets-là peut être placé dans la question de s'accrocher ou de se cramponner au livre d'Allah et à la Sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des textes de la Sunna et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlent de chacun de ces sujets-là. Et les textes qui parlent du fait de suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran peuvent être placés aussi dans cette catégorie-là. Et il n'y a pas de doute donc que si on rentre dans les détails, ça peut être très très long. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire miséricorde, de nous pardonner à moi et à vous et de faire que notre fin, notre conclusion soit vers le bien et de nous faire miséricorde à nous ainsi qu'à nos parents, à nos mères et qu'il élève nos degrés dans le paradis et on termine en demandant la bénédiction et la paix sur et la bénédiction sur notre prophète, son serviteur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Donc on va s'arrêter avec qu'est-ce que le cheikh a dit maintenant et puis inshallah on a donc complété cette conférence, cette muhadara. Je pense que ça clarifie plusieurs points importants dans la da'wah. Puis on espère que inshallah on sera capable d'agir selon qu'est-ce qui est expliqué dedans. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.